de partir. Ta'amul mayali huwa yaktubu, un grand set. Anta taktubu ana aktubu. Huwa ya'kulu anta ta'kulu ana a'kulu. طيب et là tu dis a'kulu. Ça veut dire quoi? Barakallahu fik. La ta quoi? الضمير المتكلم سي انا مفهوم اي تاكوا الهمزه دو فيرب ان لوي ميم كي همزه سي دير اون ا دو كوا لا دو همزه سي دير تيكوا اكلو مفهوم هذا تو موندا كومبري طيب هو ياخذ انت تاخذ انا اخذ اخذ طيب ان شاء الله تامل الجمل الاتيه chose par rapport à on va s'arrêter là comme ça si vous avez bien révisé ça mais révisez les frères parce que non, sinon j'aurais pu finir la leçon mais comme peut-être il y a beaucoup de choses à taïf comme ça demain inchallah on avancera dans la deuxième leçon barakallahu fikoum.